Devenu fou, quoi. Oh, Belgique! Et encore mieux, vas-y. Allez, vas-y. Ça y est, il a pété un plomb. I'm pas mal, merci. Et du coup...